Le groupe de recherche musicale de la radiodiffusion télévision française vous présente aujourd'hui la musique expérimentale. Depuis 8 jours, je me suis exercée, Pierre Schaeffer, selon votre conseil, à déconditionner mon oreille. À déconditionner votre oreille? Eh bien, je vous trouve sur la bonne voie. Et comment vous y êtes-vous prise? Eh bien, lorsque j'entendais des bruits, j'essayais d'en discerner les caractères musicaux. Et lorsque j'entendais de la musique, enfin, je veux dire ce qu'on s'obstine à désigner de ce point de vue limitatif. Oui, limitatif, certes. Je m'efforçais d'en déceler la part des bruits. Eh bien, 19 sur 20, vous avez droit à 2 bons points. Donnez. Voici le premier. Cette fois, c'est un bruit. Ah, voici le même, accéléré. C'est une contrebasse. Voici le même encore, accéléré à nouveau. Un violoncelle, cessez de me taquiner. Encore un peu de patience. Le même son, toujours le même, encore une fois accéléré. Et nous allons retrouver l'original. Du violon. Du violon, oui. Vous me garantissez que c'était le même son plusieurs fois ralenti? Je vous en donne ma parole, ralenti 8 fois, puis 4 fois, puis 2 fois. De sorte que ce son de violon si pur est constitué par ces granulations perçues au ralenti comme autant de bruit. Comme des percussions, oui. Et cela ne vous rappelle-t-il pas une de nos expériences précédentes? Le grincement d'une porte. Oui. Merci pour le premier bon point. Le second. C'est un gong? C'est une goutte d'eau. Celle qui fait déborder les vases. Vous êtes indignée? Non. Curieuse, ahurie et finalement inquiète de ces manipulations, ralentissements, accélérations. Dites-moi, quand on presse le doigt sur la corde d'un violon, quand on frappe la touche d'un clavier, que fait-on sinon des manipulations? Raccourcir ou rallonger une corde vibrante ou choisir parmi les cordes tendues d'une table d'harmonie celle qui convient? Celle d'une hauteur donnée, oui. Là, on sait ce qu'on fait. Oh, on sait ce qu'on fait, attention. Les musiciens ont une grande habitude, en effet, de le faire, les exécutants une grande virtuosité. Mais j'ai le regret de le dire, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. On le sait moins bien même que lorsqu'on ralentit au magnétophone un son à vitesse moitié, ce qui donne l'octave inférieure, ou si on l'accélère à vitesse double, ce qui donne l'octave au-dessus. J'avoue mon étonnement de cette transmutation du violon en contrebasse en passant par le violoncelle. Ainsi démontrez-vous scientifiquement la parenté de la famille des cordes? Oh, scientifiquement, il y a beaucoup à dire, mettons empiriquement, expérimentalement plutôt. Mais vous-même, utilisez des appareils qui font plus que manipuler les sons, qui les analysent. Au cours de vos conférences, vous nous avez appris ces noms barbares, les batigrammes, qui renseignent sur la dynamique des sons, des spectrogrammes, qui donnent leur spectre, c'est-à-dire leur timbre, des sonogrammes, qui permettent de reconnaître graphiquement si la voix dit A, E, I, O, U. Oui, arrêtez, vous vous en dites trop et trop à la fois, et parmi vos affirmations, j'enlève celle-ci. Le spectre, avez-vous dit, serait caractéristique du timbre. Ça, ce n'est pas vous qui me l'avez appris. On l'apprend à la faculté, au conservatoire. Cela figure peut-être même aux leçons de choses. Eh bien, les leçons de choses les plus officielles sont parfois aussi les plus problématiques. Le son d'un instrument, je me le représente comme un corps pur qui donne des raies spectrales. Ainsi, le sodium reconnaissable à une raie et l'hydrogène à une autre. Le violon se distinguerait du piano ou de la trompette par un ensemble de raies caractéristiques. Mais caractéristiques de quoi? Eh bien, il me semble de l'importance des harmoniques par rapport au son fondamental. Vous êtes très savante et d'une science en effet quasiment officielle. C'est inexact. Les bons acousticiens se garderaient bien de s'avancer autant. Écoutez ceci. Ce sont les 4 cordes du violon. Caractérisées sans doute par le même spectre. Sans doute. Erreur. 4 spectres, tous différents et qui plus est variables d'une corde à l'autre. Caractéristiques au moins d'un instrument donné. Variables aussi pour un instrument donné, pour un exécutant donné, d'un instant à l'autre, jouant 2 fois la même note. Aucune de ces notes se ressemble. C'est extraordinaire, mais il y a sans doute des similitudes, des moyennes. Prenons un autre exemple. Admettons un instant que le piano est un timbre caractéristique, c'est-à-dire, malgré des variations de détails, une configuration moyenne de ce spectre de ces relations d'harmoniques. Si je ralentis de moitié, ou si j'accélère de 2 fois son enregistrement magnétique, vous admettrez que je garde très exactement la même proportion de ces harmoniques. Expliquez-moi bien. Je joue dans le médium du piano cette petite mélodie. Je joue la même mélodie sur ce même clavier, une octave au-dessous. C'est le même timbre ? Pas si vite, c'est le même piano. Si c'était tant que ça le même timbre, nous devrions pouvoir obtenir les mêmes sons en ralentissant de moitié la bande magnétique de la mélodie jouée dans le médium. Êtes-vous d'accord ? Répétez un peu. Eh bien, tout à l'heure, nous avons enregistré, mettons, luth du milieu du piano. Si son timbre est caractérisé, par exemple, comme vous disiez, par un premier harmonique à telle intensité, deuxième harmonique à telle intensité, etc. Lorsque nous passons cette bande magnétique à vitesse moitié, tout sera descendu d'une octave, mais les rapports resteront rigoureusement les mêmes. C'est évident, et alors ? Et alors ça donne ça. Et dans l'aigu ? Eh bien, je joue au piano cette mélodie, mais à l'octave au-dessus, au piano, n'est-ce pas, à ce clavier. Puis, je compare cette mélodie jouée au piano de la transposition à vitesse double de la mélodie enregistrée tout à l'heure dans le médium. Ça donne ceci. Je résume. Vous avez enregistré cette mélodie dans le médium et vous l'avez lue à vitesse moitié et à vitesse double, c'est-à-dire à l'octave inférieure et supérieure, mais avec un timbre, selon la définition acoustique, rigoureusement identique. Oui. Comparé au piano réel, ces transpositions sont foncièrement différentes. Il faut donc en conclure... Je n'ose pas achever. Eh bien, il faut en conclure que chaque note du piano a un timbre caractéristique, que le piano n'a pas un timbre permanent, mais autant de timbres que de notes. C'est incroyable! Vous voyez qu'il y a quelques surprises et quelques divergences entre les notions qui semblent les mieux établies de l'acoustique officielle et la réalité. Mais qui fait la cohésion du piano qui nous apparaît comme un instrument aussi homogène? Un merveilleux équilibre et apparemment un paradoxe. Les notes aiguës du piano ont un timbre... Aigu? Eh non, un timbre grave. Et les notes graves? Dans ce cas, forcément, il faut répondre que les notes graves ont un timbre aigu. D'où la loi du piano qui devrait désormais être inscrite aux classes de conservatoire. Cette loi s'énoncerait timbre multiplié par hauteur égale constante. Mais ceci devient ésotérique. Démontrez-le. C'est tout démontré, le son médium. Quand je l'accélérais tout à l'heure, ressemblait à quoi ? À du clavecin. C'est-à-dire que le son médium avait en puissance, si j'ose dire, un timbre plus aigu que le piano réel à l'octave supérieure. Oh, je m'y perds. Je veux vous égarer davantage. Vous croyez peut-être que les notes de piano ont une hauteur bien définie, que tout est basé sur ce bras fondamental flanqué de ses harmoniques, un peu comme une bonne grosse planète entourée de ses satellites. Oui, naturellement. De sorte que si je supprime électriquement... avec ce que l'on appelle des filtres, toute une partie du registre acoustique. Je vais altérer profondément le timbre, et même probablement la hauteur. C'est évident. Si on supprime le fondamental, on va entendre le premier, le deuxième harmonique. Essayons, mademoiselle, installez-vous au piano, et jouez, s'il vous plaît, ce la grave. Que faites-vous ? Je vais parcourir rapidement les sons que je vais filtrer électriquement, c'est-à-dire qui seront supprimés de l'écoute. Mais votre gamme dépasse la fondamentale, et de 2,5 octaves, on n'entendra plus rien. Nous verrons bien. Si vous coupez tout cela, je suis curieuse d'entendre le résultat. Voici le résultat. Rejouez maintenant le son sans filtrage, c'est-à-dire l'original. La différence est imperceptible. Voulez-vous que nous refassions l'expérience avec le mi ? Oui, celui-là. Nous allons couper toutes les fréquences depuis le bas jusqu'à environ 1,5 octaves au-dessus. Je vous égrène tous les sons qu'on va couper. Rejouez le son original. Le même son avec la coupure indiquée. Et de nouveau l'original. Il y a une petite différence, mais négligeable. C'est extraordinaire. Ce qui veut dire que quand vous jouez quelque part sur un piano... C'est une autre partie du piano qui répond. Oui, c'est une façon imagée de présenter le résultat. Peut-on faire l'expérience inverse? C'est-à-dire? Je voudrais qu'on coupe toutes les harmoniques sans toucher à la fondamentale. Mais laissez-moi tout de même une petite marge de sécurité. Bah, très bonne idée. Rejouez cela grave. Rejouez-le, sachant que nous allons couper, selon votre désir, tous les harmoniques supérieures, mais en préservant soigneusement la fondamentale. Il n'en reste plus rien? Eh non, il n'en reste plus rien. Quand on frappe sur une note du piano, ce n'est pas une note qui joue, c'est tout le piano qui répond. Alors les sons n'ont ni timbre ni hauteur? Ils ont une hauteur de référence. Et ils ont surtout une épaisseur, notion inconnue du solfège traditionnel et pourtant, avouez-le, bien réelle. De sorte qu'un instrument de musique, comme un piano, est une sorte de distributeur automatique où correspond à chaque touche un ensemble de phénomènes complexes, timbres particuliers, épaisseurs, etc. Excellente métaphore. Un instrument aussi traditionnel que le piano, loin de donner des sons de hauteur, timbre et durée déterminés, donne une famille d'objets sonores où la hauteur n'intervient que comme référence et que l'oreille occidentale s'est habituée depuis quelques siècles seulement à exprimer dans les termes de référence d'un solfège que je me permettrai poliment de qualifier d'assez abstrait. Un solfège nouveau qui rende compte vraiment des phénomènes, oui. Eh bien, continuons. Restons dans le domaine du piano, puisque nous y sommes. Ce piano, qui était si rassurant, devient terriblement incertain. Tâchons de trouver, en matière de piano, quelques certitudes. S'il n'y a plus de timbre, plus de hauteur, il n'y a sûrement plus de durée. Ça va sans dire, ne faisons même pas l'expérience, ou plutôt si, rapidement. Une blanche dans ce registre. Et dans celui-là. Ce n'est pas bien entendu la même blanche. Je me doutais que vous alliez dire cela. Cherchez une autre caractéristique. Qu'est-ce qui est si caractéristique du piano? Le geste le plus caractéristique du pianiste. Oui, celui où il met tous ses soins, voyons, le poignet haut, le poignet lourd, le poignet souple, le poids des avant-bras. L'attaque. L'attaque, certes. Qu'arrive-t-il si j'enregistre une note de piano, ainsi soigneusement attaquée, et si sauvagement je coupe sur la bande magnétique cet instant précieux de l'attaque? À moins que vous en coupiez très peu. Combien, par exemple? Je ne sais pas. La valeur d'une triple, d'une quadruple croche? Mais non, allons-y carrément. Coupons, par exemple, la valeur d'une croche, d'une noire, sur un son qui dure 4 temps, pour m'exprimer en termes archaïques. Je suis curieuse du résultat. Je joue n'importe quelle note? Jouez n'importe quelle note. Voilà un son qui dure, mettons, 4 secondes. Nous allons couper un 1/20 de seconde, qui est un des seuils de perception de l'oreille, puis un 1/10 de seconde, puis un 1/8 de seconde, c'est-à-dire la valeur d'une triple croche, puis un 1/4 de seconde, valeur double croche, puis une 1/2 seconde, valeur croche, puis 1 seconde, valeur noire. Et cela donne? Écoutez bien, vous allez entendre le son original d'abord, puis ces différents sons coupés de portions de plus en plus importantes de leur attaque, puis à la fin, le son original. Il n'y a pas de différence sensible. En tout cas, pas d'attaque, à peine une légère diminution d'intensité. Alors, l'attaque, tant travaillée par les pianistes, ne sert à rien. Bien sûr que si, les pianistes ont bien raison de travailler leur attaque. Pensez, c'est à ce seul instant où la corde est frappée que la note de piano prend tout son caractère, non seulement sa force, mais son timbre. Mais c'est votre oreille qui se trompe, ou plus exactement, c'est votre oreille qui est conditionnée de telle façon qu'elle entend comme une attaque ce qui est en réalité tout le développement de la note. Et c'est là un caractère du piano, ce caractère distinctif, d'avoir une pente dynamique rectiligne, ce qui explique qu'on peut pratiquement couper une note de piano sans altérer son caractère d'attaque. Je suis confondue, mais je ne comprends pas. Je crois que pousser l'explication sortirait du cadre de cet entretien déjà ardu. Je croyais au contraire qu'une des premières découvertes de la musique concrète avait été ce changement radical sur les sons dont on avait coupé l'attaque. La cloche, par exemple. C'est tout à fait exact. Voici une cloche reconnaissable non seulement à son timbre, mais à son attaque. Voici la même cloche, attaque coupée. Voici un troisième exemplaire de la même cloche où l'attaque a été estompée au potentiomètre. Ce sont là trois objets qui ont beaucoup de points communs, presque tous, sauf le caractère d'attaque précisément et l'aspect dynamique de la morphologie. C'est bien vrai, mais contradictoire avec l'expérience du piano? Un fait n'est jamais contradictoire. Seule une théorie peut être contradictoire et ces expériences contraires s'intègrent parfaitement dans une théorie des attaques qui est désormais classique au groupe de recherche musicale que j'ai l'honneur de diriger. Si je comprends bien, vous considérez que le caractère d'attaque, si peu connu du solfège traditionnel, est un des aspects les plus importants du son musical. À telle enseigne que les sons les mieux connus de la musique classique, privés de leur attaque, sont presque méconnaissables. En voici un exemple. Encore un trucage du piano à l'envers? En aucune façon. De la harpe à l'endroit, mais dont l'attaque a été escamotée, comme tout à l'heure pour la cloche précédente. Et ceci. Un son bizarre. Seulement deux sons de corps, parfaitement naturels et pas truqués, mais mis bout à bout et répétés. Et ceci. Depuis que vous coupez les attaques, on ne reconnaît plus rien. Je vous promets qu'il n'y a ici ni coupure d'attaque, ni trucage, ni escamotage, ni transposition. Ce sont deux sons parfaitement naturels et tout ce qu'il y a de classique. Des sons électroniques? Non, vous dis-je, des sons de l'orchestre classique. Des instruments bizarres. Des instruments tout naturels. Je vais vous aider en vous les répétant, mais avec un tout petit incident d'exécution, une maladresse des instrumentistes qui va peut-être vous renseigner et vous révéler leur identité. Ce serait un violon ou une trompette? Parfaitement, un unisson de violon et de trompette. Mais je n'ai jamais entendu cela dans une salle de concert. En effet, peut-être pas. Non pas que certaines partitions ne comportent parfois des unissons de violon et de trompette, mais essayez de les entendre dans une salle. Par un trucage? Vous revenez toujours au trucage, vous êtes méfiante. On le serait d'à moins. Je vous répète que la musique expérimentale, depuis sa récente réorientation, s'abstient le plus possible de tout trucage et se propose l'étude des sons naturels, dont l'étrangeté d'ailleurs suffit amplement à notre investigation. En effet, vous m'en avez donné des preuves. Eh bien, l'étrangeté de cet unisson de violon et de trompette tient simplement au micro, et non pas à un micro truqué, mais à un micro de haute fidélité qui les mélange intimement comme ne saurait le faire une salle de concert et qui surtout parvient à votre oreille sans secours de l'œil. C'est encore le déconditionnement? Oui, et cette fois, bien plus grave que le déconditionnement historique qui fit l'objet de notre second entretien, c'est la séparation de l'audiovisuel, l'écoute pure de la musique pure en un mot. À mesure que vous simplifiez, semble-t-il, le mystère du son me semble s'épaissir. Nous reviendrons la prochaine fois là-dessus, car c'est la notion d'objet musical que vous êtes en train d'aborder, et notamment la séparation radicale qu'il convient de faire désormais entre les moyens de faire du son, c'est-à-dire les instruments générateurs, et l'objet de notre perception esthétique, c'est-à-dire l'objet musical. Rendez-vous à Huitaine. Le groupe de recherche musicale de la radiodiffusion télévision française vous a présenté la musique expérimentale. La semaine prochaine, à la même heure, expérience numéro 4, la musique scientifique.